Chapitre 37e, samedi 3 mai. Demain, nous reverrons Tanger la Blanche, la pointe d'Europe, et déjà les choses et les gens de ce siècle. Cette avant-dernière journée de marche est longue, pénible, sous un soleil beaucoup plus lourd. Notre vieux caïd, que les jeûnes du ramadan achèvent, hésite, ne reconnaît plus son chemin. Nos muletiers, qui ne mangent pas non plus, ont une lenteur et une somnolence inusitées. Les distances grandissent entre nous. Notre petite colonne s'allonge d'une manière inquiétante. La voici échelonnée sur 2 ou 3 kilomètres de pays chaud et désert. Parfois, nous perdons de vue les mules, les muletiers endormis qui nous suivent avec nos bagages et nos cadeaux du calife, nos fameux cadeaux si convoités. Alors, un peu influencés nous-mêmes par le ramadan, manquant de courage pour retourner sur nos pas par cette chaleur, nous nous étendons pour les attendre, n'importe où, au soleil, toujours puisqu'il n'y a d'ombre nulle part, n'importe où sur la vieille terre arabe, sèche et brûlante, cachant notre tête sous notre capuchon blanc, à la manière des bergers qui font la sieste. Vers 3 heures, nous sommes complètement égarés, au milieu de solitudes de fougères, de lentisques et de lavandes, plus traces de nos tentes ni de nos bagages qui ont dû suivre un autre chemin. Et notre vieux caïd, auquel nous pourrions nous en prendre, nous fait pitié dans son abrutissement de fatigue. Mais le soir venu et notre route retrouvée, le dernier de nos campements est pour nous faire plus regretter la fin de notre vie errante sur cette terre primitive de fleurs et d'herbages. Dans un lieu sans nom, au penchant d'une haute colline, devant des horizons tranquilles, c'est une sorte de petit plateau circulaire, de petite terrasse, que des broussailles de palmiers nains entourent comme une bordure de jardin. Et sur ce plateau, Allah, pour nous, a étendu un tapis blanc, bleu et rose, absolument vierge, où personne n'a posé les pieds. Pâquerettes, mauves et gentianes, si serrées les unes aux autres qu'on dirait des marbrures de fleurs. Les tiges sont courtes et fines, sur un sol sablonneux, engageant et doux pour s'étendre. L'air pur est rempli de senteurs saines et suaves. Il y a, par exception, un bois couronnant la hauteur qui nous domine, un bois d'olivier. Sur le ciel bleu qui commence à pâlir, à tourner au vert limpide, un tissu de petits nuages pommelés est jeté discrètement comme un voile. Rien d'humain en vue nulle part. Et le recoin, le plus embaumé, le plus calme, que nous ayons encore trouvé sur notre route. C'est pour nous seuls, toutes ces fleurs, toutes ces musiques d'insectes, tout ce resplendissement de couleurs et de l'air. Cette soirée de mai sur ce plateau sauvage a une paix d'Éden. Elle est ce que devaient être les soirées des printemps préhistoriques, alors que les hommes n'avaient pas encore enlaidi la terre.